Et c'est qui le petit poulet auquel il est fidèle depuis 10 ans? Les urbains chevelèrent sont entrés dans le cimetière. Un grand coup de manche au curé. Les croix, les fleurs ont volé. Les morts sont des cons. Je chie sur leur tombe. Chrysanthème de mer, mer, mer, mer. Chrysanthème de mer, mer, mer, mer. La pa pa pa la la pa pa pa la la la pa pa pa la pa pa la la pa pa pa la la pa pa. Les Iroquois chevelèrent ont pris l'autoroute vers la mer. Vers un peu de vide sur ces plages, de fonctionnaires brûlant leur lard. Bronze et bande de cons, je chie sur le soleil. Vacanciers de mer, mer, mer, mer. Vacanciers de mer, mer, mer, mer. La pa pa la la la pa pa la la la pa pa pa la pa pa la pa pa la la pa pa. Les Iroquois chevelèrent se sont foutus la gueule en l'air, en croyant de haine pour ce monde qui terrorise, qui lui de l'ombre. Je dis, je suis un con, je chie sur mon nom. Existence de mer, mer, mer, mer. Existence de mer, mer, mer. La, la, la, la, la, la.